بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله يعيننا اليوم على أن نخوض ثلاث أحاديث إن شاء الله إذا استطعنا. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر دوزيام حديث de ces 40 أحاديث qui sont 42 en fait أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني رواه الترمذي. Donc dans le sens ce hadith apporté par Abu Huraira que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit du bon islam de la personne qu'il délaisse ce qui ne lui revienne pas, qui ne le concerne pas, qui ne le regarde pas. Qui a dit le ma'ana takriban. Wa hadha al-hadith yani mukhtalifun fi sihhatihi bayna man yara annahu hasan wa man yara annahu sahih li ghayrihi wa man yara annahu mursal. La différence quoi par rapport à ce hadith? Son jument, son degré d'authenticité. Nous, nos machers, ici, on voit qu'il est mursal. C'est-à-dire que le hadith n'est pas rapporté de Abu Huraira, il a entendu du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que c'est parmi les marasils de Ali ibn al-Hussein et Zain al-Abidin. Que lui, il a rapporté directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans savoir qui est le compagnon qui a entendu de lui. Non. Quoi qu'il en soit, le sens, il est correct. Le sens du hadith est correct. Et tous les hadiths qui sont dans Arba'in Nawawiyyah, même ceux qui ont été jugés comme étant faibles, ils doivent être trois par là. Tandarish, Tartaha, Usul. Ils ont tous des fondements qui les confirment. Ils n'appellent pas une chose qui est un égarement ou une chose qui est inventée, qui n'a pas de fondement. Ils ont tous des choses qui les confirment par d'autres hadiths ou des versets ou à cadre. Min husn islami al mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Il se trouve que l'islam, il a des différents degrés. Et parmi justement le bon islam de la personne, qu'il délaisse, qu'il ne revienne pas. Fayaqul al-shaykh al-fawzan, hafidhahullah ta'ala. Wa mimma yunqisu din al-insan annahu yatadakhal fima laysa min shu'unihi. وما ليس من اختصاصه ولم يوكل إليه لا من ناحية الشرع ولا من ناحية الخرق والذي ينبغي على الإنسان أن يعتني بدينه ولا يعتني بما ليس له فيه فائدة. Donc il dit justement parmi les choses qui réduisent les sommes de la personne qu'il se mêle de ce qui ne lui revient pas, les choses qui ne sont pas de son rang, qui ne sont pas de son niveau, qui ne sont pas de son ressort, et des choses qu'on ne lui a pas confiées non plus également, ni du côté religieux, ni du côté yani dans les rapports entre les gens. Et c'est pour cela que la personne doit se préoccuper de ce qui la concerne même dans sa religion, et de délaisser les choses qui ne lui apportent aucun intérêt. Ou laysa mukallafan bil bahth fihi, ou des choses il cherche dans les choses qu'on ne lui a pas chargé de chercher dedans. Des choses compliquées, des choses minutieuses, des choses épineuses, il va chercher, alors qu'il n'a pas les moyens, les éléments pour y parvenir, et il s'immisce là-dedans. فَبِذَلِكَ يَسْتَرِيحُ يُرِيحُ النَّاسِ. Et en faisant cela, il se repose lui-même, et il repose les autres. Car celui qui rentre dans ce qu'il ne maîtrise pas, qui ne revient pas, il fatigue les gens. Il se fatigue lui-même, car il endosse une charge qui est trop lourde pour lui, et des fois il s'expose à... C'est pas des fois, c'est en général, il s'expose à faire ce qui ne convient pas, parce qu'il n'a pas la capacité, les compétences pour pouvoir faire ce dans quoi il s'engage, et ce qui va amener également à fatiguer les gens. Il se fatigue lui-même et les autres. Donc cela réduit dans sa religion. وَيَقُولْ كَذَلِكَ فَيَسْأَلُوا أَسْئِلَةً كَثِيرَةً لَا يَعْتَجُوا إِلَيْهَا, également qui pose une multitude de questions dont tu n'as pas besoin en réalité. ça revient au hadith d'Abu Huraira, kathrat masailihim, kathrat masailihim wa ikhtilafun ma anbiya'ihim, qui posent beaucoup de questions, qui divergent avec leurs prophètes. Donc tu les vois, ils vont dans une chose, et comme ils ne la maîtrisent pas, ils tentent de se renseigner le plus possible, donc ils posent un tas de questions. Donc quelqu'un qui rentre dans une chose qu'il maîtrise, il sait où aller, il sait comment se diriger. L'autre, il ne sait pas, donc il va demander comment, pourquoi, kayf, ilay, akaza, akaza, un tas de questions. Et il veut tout prendre d'un coup, et bien évidemment, il n'arrivera pas à assumer par la suite. Il n'arrivera pas à assumer par la suite. Yaqul, ومن ذلك ما يدور بين الشباب وبين كثير من الناس في المجالس من تناول أمور تحدث وتحتاج للنظر من قبل ولاة الأمور والعلماء وأهل الشأن. Par exemple, il dit, parmi les choses qui se déroulent justement entre les jeunes aujourd'hui, ou beaucoup de gens dans les assises, assemblées et réunions, qui parlent de choses qui se déroulent, des événements qui se déroulent, liés à l'actualité par exemple, et cela en réalité, ce sont des sujets qui reviennent aux savants, qui reviennent aux gouverneurs et qui reviennent aux spécialistes, aux gens experts en la matière. Et tu les vois, ils se misent dedans. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent et ils n'apportent rien du tout. Ils perdent leur temps, voire même, ils arrivent à peut-être même à en mentir sur la religion. Quand on dit mentir, le mensonge n'inclut pas forcément que ce soit délibéré en islam. Al-Kazib, kullu ma taqul mimma yukhalif al-waqi' fa huwa kazib. Que tu l'aies voulu ou pas. On appelle ça un mensonge. Nous, en français, un mensonge, c'est volontaire. Shal'an, kazib, kod yakun khata'an. Même dans l'orat chez les gens du Hijaz, al-kazib ou al-khata. Al-kazib ou al-khata. Des fois, tu vas voir des tabi'in, ou voire même chez les sahaba qui vont dire kazaba fulan, en parlant d'un autre sahabi, ou d'un autre homme qui est siqa. Ils ne veulent pas dire par là le mensonge dans le sens où nous le connaît, qu'il a dit une chose qui n'est pas vraie volontairement. Des fois, ça veut dire qu'il s'est trompé. كي اهل الاجاز الكذب بمعنى الخطا الغلط والا فالمعنى هو الخبر المخالف للواقع l'information qui s'oppose à la vérité à l'actualité à la réalité tu l'as voulu ou non donc il parle des choses qu'il ne maîtrise pas et ça c'est une chose qui est fréquente dès qu'il y a une chose qui touche à la masse les gens ils parlent il faudrait faire il faut qu'on fasse il y a besoin de faudrait qu'on essaye kaza et kaza, alors que c'est pas de leur ressort. Ils se fatiguent, ils parlent pendant je ne sais combien de temps, il y a des choses, des hypothèses, des suggestions qui sont inappropriées, et des fois ça mène même à faire des catastrophes, ça a des répercussions sur les autres, ce qu'ils font. L'IH, l'INAHU, d'akhala fima layan. Il est en train de ce qui ne concerne pas. Donc il s'est fatigué lui-même, et il fatigue les autres avec lui. يقول ثم يتدخل فيها من لا يحسنها وليس مكلفا بالدخول فيها donc il s'en mêle et il ne maîtrise pas la chose et il ne lui a pas confié de faire cette chose là et donc de là qu'est-ce qu'il fait les dégâts والدخول فيها يفضي الى الحدوث بلبلة وسوء فهم او يشيع المحظور بين الناس وما كان المفروض انه يستر donc il dit ça mène à quoi ça mène à perturber les gens ça amène à la confusion, ça amène à des mauvaises compréhensions, et ça amène à propager, à diffuser ce qui à la base devrait rester camouflé. Comme quand la Ta'ala, le chéri cite le verset, وَإِذَجَاهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوَ الْخَوْفَ أَذَاعُوا بِهِ que si jamais une nouvelle apaisante ou alarmante leur parvient, ils la diffusent automatiquement. وَلَوْ رُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ que si jamais il avait renvoyé aux messagers, ainsi qu'à ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire parmi les ulama ou les détenteurs du pouvoir, qui connaissent la chose, ils en auraient déduit, on va dire, le jugement et le comportement adopté. Mais ils propagent directement et ils parlent. Et ils parlent. Ce qui amène à faire encore plus de dégâts. Donc ça, c'est un fondement important de notre religion qui est Ar-Rujur ila Ahli al-Ilm. Ou à Rojour et Al-Shahan. Que tu reviens aux savants et que tu reviens aux gens dont la chose qui sont expérimentés dans la matière, même si c'est pas religieux. Demain, tu as un problème avec, je sais pas moi, avec ton réfrigérateur. Il ne marche pas. Tu n'as aucune notion dans ce domaine-là. Est-ce que tu vas t'aventurer à laisser le réparer? Non. Est-ce que tu vas laisser quelqu'un dire, moi je vais essayer de te réparer, tu connais? Non, je connais pas, mais je vais essayer. Ton réfrigérateur t'a coûté bien cher, et l'autre il te dit, moi je vais regarder. Toi. Tu connais? Je connais rien du tout, mais je vais regarder pour toi. Tu vas lui donner, tu vas pas le confier. Tu vas dire, surtout tu vas me le casser encore plus mon réfrigérateur. J'ai pas besoin de ça pour l'instant. Tu vas aller voir qui? Tu vas aller voir un réparateur qui connaît. Demain, tu as une maladie, tu as un problème de santé. Demain, tu veux une hijama. Par exemple, une hijama, ce qui est extirper le sang au mauvais. D'accord? Ton ami, il arrive, il dit, regarde, j'ai des verres, j'ai mon cutter, j'ai des lames, viens, je te fais une hijama. À la tête, comme ça, là. Tu vas te confier, tu veux donner ta tête à cette personne-là? Non, à Badan. Pourquoi? Ça ne le concerne pas, il ne maîtrise pas, il ne connaît pas. Et ben, tu agis comme ça en toute situation. Mbeb Aoula dit donc ta religion. Comme a dit Afil Afar Ma'alouf Mohamed Musulin, Panzulu Aman Tachouzou dit Nakum. Regardez de qui vous prenez votre religion. Et aujourd'hui, le premier venu qui. Yani Sahib Lissen, Sahib Kalem, il fait une chaîne YouTube, il fait une page Facebook, il fait un compte Twitter, il fait un truc Instagram, tous les réseaux sociaux là, Yallah Bismillah, tout le monde le suit. D'où il vient, on ne sait pas. Où a-t-il étudié? On ne sait pas. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fait des rappels intéressants, donc on regarde. Voilà. Et au résultat, cette personne-là finit par avec des chevaux, des ambiguïtés, et il emmène les gens avec lui. Car à la base, il n'est pas apte à pouvoir faire ce genre de choses, et les gens eux-mêmes n'ont pas compris qu'ils doivent revenir aux gens qui connaissent la chose. Donc il va se fatiguer lui, comme des fois qu'il y a des gens qui demandent qu'on leur pose des questions. Ce ne sont pas des mouftis. Ils n'ont pas de notion de ils n'ont pas de savoir suffisant. Et donc nos gens, demande-moi, je vais te répondre. Et là, yufti. Quitte à des fois à dire des choses qui sont hallucinantes. Et les gens posent des questions. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça rentre là-dedans. Le shir lui-même, il le dit. Voyez le fakra. Toyeb. Waza wa waqi'un. كثير من الناس اليوم تجدهم حتى في مسائل العلم الصعبة التي لا يحسن الدخول فيها إلى كبار العلماء والأئمة تجد صغار طلاب ومتعالمين يتداخلون فيها ويحلون ويحرمون ويفتون بغير علم وبغير بصيرة. Il dit même là maintenant là chez beaucoup de personnes c'est présent aujourd'hui. Tu vois dans certains sujets de la science qui sont difficiles, c'est des sujets qui ne reviennent qu'aux savants et aux imams, tu vois des toulabs, des étudiants, des petits qui rentrent dedans, ou des novices qui rentrent dedans, et qui se mettent à rentrer en halal, yajouz, ou haram, mayajouz, comme ça, sans science et sans clairvoyance. Ils égarent les gens. Et le problème chez ces gens-là, c'est souvent les suiveurs également. Car des fois, ils viennent, ils ont, alhamdoulilah, ils ont pas ça en tête, tu vois. C'est pas leur cause. Ils ont quelques masselles qu'ils ont apprises. Alhamdoulilah, ils donnent quelques koutoubs, des choses à leur portée, et là les gens ils sont époustouflés par eux. Comme ils sont ignorants, ils le voient ce frère-là comme étant un niveau qui n'est pas le sien. Donc qu'est-ce qu'il faut? Ils vont le voir tout le temps, poser des questions, et après l'autre se démonte à la tête. Même au début ils ne voulaient pas, ils ne demandaient pas ça. Mais les gens sont arrivés, nafakhofi, fantafakh. Voilà. Ils sont arrivés, ils ont soufflé, c'est gonflé. Et résultat, ça amène à ça. Et souvent, tu trouveras ça chez des gens qui n'ont pas bien connu les ulama. Quand tu as connu les ulama, yahi, bizina ta'ala, ta'alam qadal nafsak. Tu connais ton niveau. Tu sais qui tu es, qui tu as eu devant toi, qui autour de toi. Donc, tu vas pas t'aventurer à faire ce qui ne te revient pas. Souvent, tu vas trouver ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont pas apprécié les ulama, ou très peu. Très peu. Ils se permettent de se mettre en avant. Wa'akaza. Ils se font appeler shaykh. Wa'akaza. Adi musiba. Ou même dans les choses, dans la dunya, des gens qui rentrent dans des affaires, qui ne regardent pas, affaires de couple. Foulen, en khilaf avec sa femme, on lui a rien demandé, il rentre, il veut aussi herbéna commun. Et il ne connaît pas. Fait des dégâts. Ou il veut faire un islah, un nasiha, ou diriger des gens pour une chose qu'il ne maîtrise pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Des dégâts. On dit t'es une bonne niya, mais un niya matakfi. Il faut que tu aies les éléments pour te permettre de pouvoir faire la chose comme il se doit. On avait pris dans Adin Nasiha, ou plutôt ça va venir dans Bab Inkalamunkar, Mathalan, Annahu يشترط في إنكار المنكر لا يحصل منهما وأنكر منه parce que tu blâmes une chose qui est répréhensible, il ne faut pas que cela amène une chose plus grave encore derrière. Ne pas ce que tu fasses amène à plus de préjudice par la suite. Oui, là, là, t'as fallu. Là, t'as fallu. Quelqu'un y voit, exemple grossier, mais quelqu'un y voit, il y a le feu là quelque part, là, et il veut éteindre le feu, il voit un bidon, c'est parce que dedans, il prend le bidon, il jette dans le feu. C'était de l'essence, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté le feu. Il connaît pas. Il a juste vu un bidon, il sait qu'il faut verser un truc liquide sur le feu. Il sait pas ce qu'il y a dans le bidon, il a versé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a brûlé, ça se soulevait, mais il s'est brûlé avec. Miskin. Bah, même si ça paraît comme ça grossier, il y a des gens, c'est comme ça qu'ils agissent. Malheureusement. Naam. Fahada, yadullu ala noqs din al-insan. D'où le hadith. Du bon islam de la personne qui délaisse ce qui ne revient pas. Et Cheikh Abdel Hamid, comme l'Ayyam, dhakara nasiha tayyiba fi hadha al-bab, et il a dit, la plupart du désordre que tu vois aujourd'hui, c'est ça. Des gens qui rentrent lorsqu'ils ne reviennent pas. Dans le ilm, ils ne sont pas aptes à enseigner, ils ne sont pas aptes à faire certaines choses, ils font des dégâts. Au niveau politique, ils rentrent dans une chose qui ne leur revient pas. Ils n'ont pas le savoir, ils n'ont pas le bon esprit, ils n'ont pas la science, qu'est-ce qu'ils font? Des dégâts. Quelqu'un y rentre, on en voit plein ici, des gens qui ouvrent des ateliers, ils disent « je suis garagiste », et ils s'entraînent sur toi en fait, ils ne connaissent pas. Je suis électricien, ils s'entraînent chez toi. Alors, tiens, je dis « tiens, je vais t'allumer là », pouf, ça s'éteint. Tu dis « attends, tu étais venu m'arranger là, l'ampoule, la marche, ça ne marche plus. » Ah ouais, il se gratte la tête, « attends, je vais regarder ». Tu ne connais pas. Tu vois. Non seulement tu n'as pas réparé Istanbul là, mais tu m'as grillé l'autre qui est là-bas maintenant. Ici, c'est Melian, Adassim. Il s'entraîne sur toi. Généralement, l'expert, c'est celui qui a fait du mal à beaucoup de gens. L'expert, c'est celui qui a fait du mal à beaucoup de gens. Le shahid, c'est que les gens, ils font des choses qui ne leur reviennent pas. Taïb, nouassil en, nakhouz, al-hadith, al-sahis hachar. Qala, wa rahimahullah ta'ala. An Abi Hamza, Anas ibn Malik, khadim al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والحديث متفق عليه. Donc selon Abu Hamza Anas ibn Malik, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que aucun d'entre vous ne croira véritablement tant qu'il n'aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le hadith apporté par le Bukhari et Muslim. Donc Anas ibn Malik, sa kunya c'est Abu Hamza, comme zakara al-mu'allif. C'était Ansari. Et sa mère, c'est Umm Sulaym. Umm Sulaym, c'est son prénom, c'est Rumaysa. Et au début, il était marié avec Malik, avant l'islam, qui, par la suite, lorsqu'il a entendu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yaqdum ala al-Madina, harab, fi Sham. S'est sauvé en Sham. Sham, c'est tout le pays, tout ce qui est Syrie, Palestine, par là, l'Irak. Secteur-là, à peu près. À l'époque, ça s'appelait Sham, tout ça. Et là-bas, il est mort. Kafiran. Umm Sulaym aslamat. Quand même. Au bas de Zalika, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé, elle lui est arrivée, elle dit, Hadab ibn Anas, yakhdumuk. Mon fils Anas, il avait 10 ans à ce moment-là, il l'a pour te servir. Et il a servi pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il a servi fidèlement. Et il a appris beaucoup d'ilm. Mais Zalika. Et d'ailleurs, Umm Sulaym s'est marié avec Abu Talha. Abu Talha, dont le mahr était son islam. Le mahr, c'était son islam. Car c'était un kafir à l'époque. Un homme de noble rang, un homme qui était riche, et pourtant on n'a voulu pour de lui que son islam comme mahr. Aslam. Et aslama, yani wa hasan islamu. C'est pas aslama lajil mar'a, comme dans le hadith d'Inam al-Amal bin Niyah. Il a vraiment voulu l'islam. En même temps, il ne s'est pas converti juste dans le but de se marier avec Umm Sulaym. Mais l'islam l'attire également. Et par la preuve, c'est ce qu'il a eu par la suite, c'est devenu parmi les grands compagnons. Les compagnons qui sont connus, qui ont fait, d'accord, qui ont apporté un grand khayr à la Umma, comme lui, comme il a participé avec son argent, qu'il était riche, et dans les razawais, dans les batailles, pour les Zalika. Donc Anas, il a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, لا يؤمن أحدكم حَتَّى يُحِبَّ لِيَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Qu'aucun d'entre vous ne croira véritablement, tant qu'il n'aimera pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. فَهُنَا قَدْ يَكُلْ قَائِلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا ذُكِرَ يَعْنِي هَذَا اللَّفْظ véritablement. حَقًا. On dit ça, c'est un ta'wil qui est lazim. C'est une interprétation qui est indispensable. Sans quoi la personne va croire que ne pas aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même, c'est du kufr. Et cela n'est pas parmi les nawaqid de l'islam. Ce ne sont pas les choses qui sont sorties de l'islam. Donc c'est pour cela que là, ça montre l'islam, yani kamel et l'islam, l'islam complet. Car l'islam, il peut être réduit par les péchés, par les ma'asi. Comme à khazna fi al-iman, et l'iman, il y a zil ou yankos. Et l'iman qui est kamel, qui est parfait, comme l'iman de Abu Bakr Siddiq et d'autres parmi les grands sahabes. Et l'iman qui est adna ma yakun, ou min adna l'iman, mesalan, comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, imatatul azan et tariq, que tu enlèves les obstacles du chemin. Ça, c'est le niveau le plus bas de la foi, parmi les actes des membres. Et justement, le fait d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, ça amène à compléter, à avoir la foi complète. Quand tu arrives à ce stade-là, tu es parmi les gens qu'on considère comme ayant la foi complète. À part si tu as d'autres naqais, à d'autres, t'as des manquements sur d'autres points, et ce point-là est un point important. D'accord, c'est un point important. Donc, ne pas croire que celui qui n'aime pas pour son frère, ce n'est pas pour lui-même, qui n'a pas de, il ne croit pas. Là, il n'a pas atteint le haut degré de la foi. Il y a plein de hadiths qui sont venus. Al-mu'min man yafal kaza wa kaza. On parlait al-mu'min ou al-muslim man salima al-muslimun min yadi wa lisani. Que le muslim, celui dont les autres muslimun sont à l'abri de sa langue, sa main. Ça veut dire celui qui parle, c'est les gens ou qui les frappe. C'est-à-dire que ce n'est pas un muslim. C'est un muslim aussi. Mais lui, son iman, il est naqis. Alors que l'autre, iman, il est kamil. C'est ça la différence. Donc souvent quand tu vois un hadith comme ça qui parle, al-mu'min wa kaza wa kaza, le croyant, celui qui fait telle et telle chose, il y a ni min kamil et l'iman. Ah, non, min adal kabil. Dans le kitab d'iman de l'imam muslim, vous voyez tout ça, tous les hadiths qui citent cela. Donc faire attention des masses pour pas non plus après s'aventurer à s'imaginer qu'il y a du coufre là où il n'y en a pas. Non. Donc هذا الحديث يقول الشيخ الفوزان عنه وطبعا lorsqu'il dit pour son frère en islam. Et son frère en islam. Pas le frère mutlakan. Si ton frère de sang en même temps est ton frère en islam, ni'ama. Mais demain, tu as un frère qui est kafir. D'accord ? Et toi, tu es musulman. Toi, tu veux pour lui l'islam, à la base. Mais s'il n'a pas l'islam, d'accord ? Ce hadith ne concerne pas. ثم يقول الشيخ الفوزان عن هذا بما يقول من هذا الحديث قال ومن لازم قوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أن يكره المسلم لأخيه ما يكره لنفسه كما أنك تكره لنفسك الشر والضرار فإنك تكرهه أيضا لأخيك فلا تتناوله بشر ولا تدر به ولا تغشه ولا تخونه. Car il dit justement que tu détestes pour le muslim ce que tu détestes pour toi-même qui t'arrive. Tu n'aimes pas qu'il lui arrive ce qui t'arrivera à toi que tu n'aimes pas comme mal et comme nuisance, comme préjudice. Tu te comportes avec lui comme tu aurais aimé qu'il se comporte avec toi. D'ailleurs, déjà, fait hadith, que tu te comportes avec les gens comme tu aimerais qu'on se comporte avec toi. Et ça, c'est une chose que même les koufars les connaissent, pour le bon vivre. Mais là, on parle de l'islam. Et si ce hadith, misal hadith, kunna na'malu biha, intaha kathir min ash-shar, beaucoup de mal serait fini. Qu'on aime pour nos frères, qu'on aime pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Ce qui amène à ce que tu ne vas pas le tromper. Tu ne vas pas l'escroquer. Tu ne vas pas le trahir, tu ne vas pas le mentir, tu ne vas pas être injuste envers lui, parce que tout ça, tu n'aimerais pas pour toi-même. Donc comment te permets-tu de le faire à d'autres ? Et quand tu fais ça, c'est pas dans le sens que lui ne le fasse pas, c'est l'Illah Azawajal, pour ton iman. Pour ton iman. Et ça, c'est la Torah de Seyyah Biseyyah. C'est pas tu rends le mal par le mal de cette façon-là. Genre, par exemple, ce frère-là, il t'est escroqué, donc tu l'escroques aussi. On dit là, comme encore la Ta'ala, « Wadfar billati ya ahsan » repose de la meilleure des façons. Car demain, il se peut que lui se repente et devienne un proche de toi. Alors que si jamais tu repousses par du mal, comme lui t'a fait du mal, déjà un, tu prends des péchés pour le mal que tu as fait, et en plus ça va ajouter de son animosité envers toi. Et le fait de rendre le mal par le bien, ou de rendre, ouais, non, ça, hein, ça amène à quoi déjà? Ça, c'est l'irsan. Et c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Quand tu nuises, toi, tu le rends par un bien. Toi, tu le rends par un bien. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Donc il a dit par exemple que tu vois faire des péchés ton frère, tu l'empêches, tu le conseilles en privé entre toi et lui, comme dans un hadith, man satara mu'minan fi dunya satarahu Allah yawm al-qiyamah, que celui qui cache un musulman ses défauts parce qu'il nuit pas aux autres, bien sûr Allah le kazalik le cachera yawm al-qiyamah, ses défauts des autres. Car toi, tu n'aimerais pas demain faire des péchés, faire du mal, et que par la suite, yawm al-qiyamah, ce mal-là, tu en rendes compte et que personne ne t'a rien dit. On t'a laissé faire du mal. Comme ça, impunément. Tu aurais aimé qu'on te conseille. Eh ben, toi, c'est pareil pour lui. Même si lui-même, il voit le conseil comme étant une chose, je sais pas, il n'aime pas cela, en réalité, tu lui as voulu du bien. Quitte même des fois à être un peu strict, un peu sévère, s'il y a besoin de le faire, le Nabi sallam, il était sévère avec ses compagnons. Il leur a déjà parlé durement lors de certaines erreurs. Ça veut dire qu'il ne les aimait pas. Là, le père avec son fils, il le gronde son fils. Pourquoi il le gronde? Pour son bien. Il veut que son fils devienne quelqu'un de droit. Donc quand il fait des bêtises, il le réprimande et il le corrige. Quitte même des fois à le frapper s'il faut le frapper, sans dépasser les limites. Wa kaza. Kullu hadha minhu. Kullu hadha minhu. Si tu vois qu'il est ignorant, tu lui enseignes. D'accord? Tu vois qu'il se trompe, tu le conseilles, tu le diriges vers ce qui est meilleur pour lui. Et bien évidemment, t'en as, ils n'acceptent pas cela. Misal Zahalika, un enfant qui est malade, à qui on donne un médicament, qui est amer. Il est malade. Il dit j'ai telle et telle maladie, il pleure. On va chez le tabib, tiens le médicament. Le médicament, il est amer. Tu lui donnes, il le crache tout de suite. Pourtant, c'est pour son bien. Il n'en veut pas. Tu lui redonnes. Il recrache le médicament. Là, à ce moment-là, tu l'attrapes et tu lui fais avaler le médicament de force. Tu lui dis, c'est pour ton bien, mon petit. Et là, il avale. Voilà. Et là, il avale. C'est une chose avec laquelle on agit avec nos frères, des fois. Tu as un remède pour lui qui ne lui plaît pas forcément, mais qui est le remède qui est efficace. Comme lorsqu'on met en garde contre les gens de la bid'a, les gens de l'Hiraf, les gens de Ahwa, c'est pourquoi? C'est par amour pour nos frères, ce qu'on aime pour nous-mêmes. Tout comme demain, je n'aurais pas aimé que cet homme-là de mal me tire avec lui, vers lui, et m'égare de la religion. J'aurais aimé qu'on me mette en garde contre lui, mais réellement, eh ben, je te mets en garde contre lui également, aujourd'hui, pour pas qu'il t'égare lui également. Tu ne remercies pas aujourd'hui, yawm al-qiyamah, tu remercieras la personne qui t'a conseillé. Oh, akaza. Et ça, c'est parmi les meilleures choses que tu peux faire pour ton frère. An-nasiha. An-nasiha. Et le ras, le as, ou le rifq fil umur, wathumma kullu shay fi mawdi'ihi. Là-bas, c'est la douceur. Et des fois, tu peux prendre un ton un peu plus ferme, s'il y a besoin. S'il y a besoin. Et là, ça me rappelle une faïda. Il y avait une ibara, nasma'uha dayman fi Fransa, ou fi ghayriha, qui disait, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quand tu lis ce hadith-là, tu dis ça, ça s'oppose totalement à cette expression. هذا الحديث وغيره. Bon, tous les versets qui appellent, ou les versets ou les hadiths qui appellent à la fraternité, à la compassion, أن المسلم المؤمن بينهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه العدو سهر الجسد كله. D'accord, qui sont comme un corps uni, lorsqu'une partie du corps a mal, c'est tout le corps qui subit. وهكذا. Donc on se dit cette expression, elle est fausse. ثم بعد ذلك, je lisais dans le kitab Menhaj al-Qasidin d'Ibn Qudama, et en fait, il a fait une explication qui m'a fait penser à cette expression, qui en réalité montre qu'elle est réelle, mais il faut bien la comprendre. Maintenant, quand eux le disent, ils pensent peut-être pas comme Ibn Qudama, les gens. Tu vois, ils ont une autre version. Dans le sens où, je sais pas moi, quelqu'un il vient à la Wa'alem, comme ils font les koufars, ils font les zina avec ta femme. Toi t'es malheureux, dis-moi je suis heureux, moi, ma falane. Ou il t'a volé tes affaires, il dit, toi t'as perdu 100 euros, ben moi j'ai gagné 100 euros. Et il est content, il t'a eu. Et il voit comme ça, tu vois. Ou t'es arrivé une chose, et c'est quelqu'un d'autre qui en a profité. Là, lui, il expliquait la chose sous un autre angle. Il y a qu'on, un al-umur, yani ala ismain. Imma ni'ma, wa imma bala. T'as que deux choses. Soit le bienfait, soit l'épreuve. Le méfait. Et il a dit, et le bala, il est un bala pour ceux qui subit, et ni'ma pour celui qui la voit. Dans quel sens? Celui à qui il arrive une épreuve, qui est touché par un mal, celui qui est dans ni'ma, il dit, alhamdulillah, ça m'est pas arrivé à moi. D'une part. C'est pas qu'il est content ce qui arrive à l'autre. C'est pas qu'il se réjouit de ce qui arrive à son frère. Mais il se dit, ce qui arrive à Foulen ne m'est pas arrivé à moi. Donc merci Allah Azzawajal. Il a vu un frère, par exemple, qui est tombé malade, qui a eu un accident, il dit, alhamdulillah, ça m'est pas arrivé à moi. C'est pour ça qu'il dit que, Ibn Qudama, par rapport à ça, la Foulen, al-jannah, ni'mat al-mu'min, wa bala al-kafir. Le jannah, le mu'min, il y rentre, pour lui, c'est ni'mah. Et le kafir, ça lui rajoute du azab. Il voit le bien qu'il y a là, dans quoi il est, et il est privé de ça, en plus il subit. C'est, pour lui, c'est un bala azim. Et le nar, c'est un bala pour le kafir, et ni'mah pour le mu'min. Le mu'min, il voit qu'il est dans le jannah, donc déjà, c'est un ni'mah. Et en plus, il voit, c'est quoi le feu, qu'il n'a pas été dedans, il voit encore plus la ni'mah. Donc, de ce côté-là, le malheur de la personne est un bonheur pour toi, mais à comprendre dans ce sens-là. Et non pas du fait qu'on se réjouisse du mal qui arrive aux autres. Non, t'as des gens, il arrive du mal, on est content. Un kafir, un khabith, ou un zindik, ou une tête de la bid'a, il arrive une chose par rapport à ce qu'il a fait comme mal. On dit, alhamdulillah, tu vois. On voit que l'Ahmed Allah Azzawajal, Allah dans le Coran, il dit qu'il va faire, il va reprendre les zolimines, tu vois que ça s'applique. Comme ça, il y a quelques jours, Masalan, lorsque l'autre, là, le Rafidi Soleimani, s'est fait tuer par Trump. On était très contents, très heureux. Chirel Othamine le dit, lorsque tu vois les koufas, il arrive des choses, tremblement de terre, incendie, réaction volcanique, tout ça là, il dit on est content de ce qui leur arrive. Pour le kouf qu'ils ont, ils mériteraient pire que ça encore. Ma'ada, Allah yarhamuhum. Allah, les miséricordieux envers eux, ils pourraient subir pire que ça. Quand ils disent, qu'est-ce qui nous arrive, on dit, dites hamdoulilah à la base, ce qui vous arrive, non, vous méritez pire que ça. Et yom al-qiyama, si vous mourrez sur le kouf, ce séisme sera de la rigolade par rapport à ce que vous allez vivre par la suite. Ce volcan là qui a tout détruit là, ça sera une chose minime par rapport à ce qui est arrivé aux États-Unis il y a quelques années là, Californie là, le plus gros incendie qu'il y a eu, qui a brûlé une ville qui s'appelle Paradise, d'après eux. Ça s'appelle Paradis. Mais regarde ton paradis, la Fignon. Calciné par un feu de forêt. Ils disent que c'est le pire incendie qu'il y a eu en Californie. On dit ça là, c'est rien par rapport à ce qui vous attend si vous mourrez sur le coffre. C'est rien du tout ça. Et pourtant pour eux, c'est une chose qui était énorme. Tu vois. On dit c'est un ders pour vous. Vous compreniez. Paradis brûlé. Vous comprenez pas? Ah oui, on peut rien faire pour votre pouce. On peut rien faire pour votre pouce, tu vois. Ah, qu'est-ce. Et ben, quand ça leur arrive, au moment, on est content, nous. Parce que ces gens-là, ils sèment le façade fil hard. Donc, la meilleure chose pour l'arrêter, c'est quoi? C'est qu'ils disparaissent. Mais que sa disparition soit une ibara pour les autres. Les gens, ils voient ce qui arrive à un tel, ils en prennent conscience et ils se rectifient, ils se réforment. Ils se réforment. Après, c'est pas tout le monde qui arrive à voir ça comme ça. Et toi non plus, Bébé Maslaha, c'est pas t'arrives demain, il y a un incendie chez les koufars, devant les koufars, tu dis bien fait pour eux. Fais pas ça. Tu fais ça, tu vas avoir des problèmes. Tu vois. Et toi, fais preuve de hikmah à ce moment-là. T'es content, t'as un jour, tu la gardes en toi, t'en parles avec tes frères, mais tu fais ça devant eux, tu vas casser la darwa. On dit, regardez celui-là, là. Les gens, ils meurent, ils ont rien fait, il est content, il est heureux. Les gens, ils vont pas, ça va pas passer. Donc à ce moment-là, tu fais attention, tu le dis pas. Donc ça, kazalik, si on appliquait ce genre de hadith, il y aurait un khayl azim qui se passera entre nous. Qu'on aime pour nos frères, qu'on aime pour nous-mêmes. Et qu'on agisse en conséquence. Wa kullun bihasb istita'ati. Bihasb istita'ati. Naam. Thumma nadkhul fil hadith arabi ashar. Inch'Allah, on nukmil bih. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه متفق عليه سنن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le sang du muslim n'est pas permis, hormis dans trois situations. Sayyib Zani, le fornicateur, qui a connu déjà le mariage. Le talion, celui qui a tué quelqu'un délibérément, un muslim, d'accord, lui, son sang est devenu licite. Et celui qui délaisse la religion et qui se sépare du groupe. Celui qui délaisse la religion et se sépare du groupe. Wa taban adil ahkam tantabiq ala al mukallaf. Ça s'applique sur le mukallaf, c'est-à-dire le musulman baligh qui est pubère, aqil qui a sa raison et qui n'est pas mukrah, qui n'est pas dans la contrainte dans certains points. Car la contrainte dans certains points n'est pas acceptée. Zina, c'est pas accepté, et tu autrui volontairement, ce n'est pas accepté la contrainte. Fa yaqul ash-shaykh fi hadha جَاءَ الْإِسْلَامِ بِالْدَرُورَةِ الْخَمْسِ. L'Islam est venu avec les cinq darurat, les choses indispensables, qui sont حِفْظَ الدِّينِ, la protection de la religion, بِقَتْلِ الْمُرْتَدِ الَّذِي يَتَعْلَعَ بِالدِّينِ, qui amène à exécuter l'apostat qui joue avec la religion. Ça c'est pourquoi ? Pour protéger la religion. حفظ العقل, de préserver la raison de l'homme. بحفظه من كل ما يضره من المسكرات والمخدرات. Donc en le préservant de tout ce qui enivre, alcool ou drogue. Les choses qui t'enlèvent la raison et qui font que tu ne sais plus ce que tu fais. حفظ النفس, préserver la vie. بالقصاص من القاتل, qui amène au talion en fait de tuer le tueur qui a tué. Justement. حفظ المال, protéger, préserver les biens des gens, la propriété. بقطع يد السالق وقاطع الطريق, ce qui amène à couper la main du voleur. Tamam, donc ça amène à cela. Et dit كذلك حفظ العرض, préserver l'honneur. بجلد القاذف الذي يقذف المسلم بالزنا أو فعل الفاحشة. Comme par exemple, pour préserver l'honneur du muslim, ce qui fait que tout ce qui est insulte et accusation, tout ça, comme par exemple le fait d'accuser un muslim d'avoir fait zina sans rapporter les preuves qu'il faut, lui par exemple, il est fouetté. Même si ce qu'il dit c'est vrai. S'il n'apporte pas les conditions requises en religion, qui sont quatre témoins, qui ont vu l'acte précis, sans aucun doute, voyez, lui, on le fouette à Salam. Ou tu accuses un muslim d'une chose qu'il n'a pas faite sans preuve. Il y a des conséquences derrière. Il y a des répercussions. Et كذلك حفظ العرض, il y en a, ils mettent également un nasl, qui est la descendance, la généalogie. Ce qui apporte à empêcher le zina, fornication, et tout ce qui y ouvre les portes, pour préserver la descendance. On sait que, qui est le père d'un tel, qui est le père d'un tel, et ainsi de suite. Avec le zina, tout se mélange, tu sais plus qui est qui. Donc c'est pour cela, ces points-là, ils ont des hudoud, des peines, qui sont impliqués. Bayna ma huwa qatl wa bayna ma huwa darb aw ghayr dhalika. Ça peut être l'exécution, peine de mort, et ça peut être châtié, yani par des coups ou emprisonnement ou akaza. Et la façon de l'exécuter, elle est différente, ça dépend du délit qui est commis. Donc dans le hadith, yaqul la yahul aw yahillu dam imrin muslimin. Donc c'est qui le musulman? Celui qui a dit La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. On a pris le hadith d'Ibn Omar, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Umirtu wa nukatil al-nas hatta yashhadu al-hadith. Qui lui était ordonné de combattre les gens sans qu'ils fassent l'attestation. Et à la fin du hadith, il dit Fin fa'alu dhalika, asimu minni dima'ahum wa amwalahum, il est fi haqq al-islam, hisabu mal Allah. Les Islamis font cela, ils sont préservés dans leur, de moi, dans leur bien et dans leur vie, et que, hormis dans le droit de l'islam, comme ce dont on parle aujourd'hui. Il y a des choses en islam que malgré que tu as fait la shahada, tu es un muslim, il y a une peine qui s'applique sur toi. Ton sang devient licite et tes biens peuvent devenir licites. Qala an-nafs bin-nafs. Le fait de tuer quelqu'un, le fait de tuer un muslim injustement. Donc ça c'est qisas, talion. On te tue pour avoir tué un autre muslim injustement. D'accord ? Après il y a des règles précises, on ne rentre pas dans les détails. Il se peut que les aouliers te pardonnent, après tu payes le diya, le prix du sang, ou à kaza. La base, c'est que, min haq aouliye al-qatil, ou al-maktoul, un tocteil B. Le droit des Aouliés disent, lui il a tué par notre père, on veut qu'il soit exécuté. On t'exécute. On t'exécute. C'est un haq qu'ils ont. Et ça c'est entre muslimines. Comme a dit Ta'ala, « Ya ayyou alazina amanu, kutiba alaykoum al-qisas, fil qatla. » Oh vous qui avez cru, vous étiez prescrit, le talion, sur ce qu'on a été tué. Taïeb, « Al-hur bi-hur, wal-abd al-wa-abd, wal-unsa bil-unsa. » Le libre pour le libre, l'esclave pour l'esclave, et la femme pour la femme. Wa-akaza. Donc justement, c'est la peine de mort en islam. Yaqul, Ashir, Wahada la yakunu illa fil islam. Aujourd'hui, on voit cela de façon générale qu'en islam. Il y a des pays, ils ont encore la peine de mort. Alors, quand c'est un pays, ils n'ont plus que la peine de mort. Il y a encore. Mais ce n'est pas pareil. أما أنظمة الكفر والأنظمة البشرية فإنها تمنع القتل وتحمي الظالم والمعتدي وتساعده. Alors qu'aujourd'hui dans les lois des pays de Kouf, de façon générale, c'est pas tous, et dans les lois humaines, aujourd'hui, ils ne veulent plus faire la peine de mort. Elle est abolie, la peine de mort. Et maintenant, ils se mettent même à défendre l'injuste, d'accord, le criminel, et ils l'aident. C'est un être humain, il a droit de vivre, il a kaza, il a kaza, il a kaza. Comme vous le savez. وَلَا تَرْحَمُوا الْمُجَنَّ عَلَيْهِ Et quant à la victime, il n'y a pas de rahma pour lui. Et c'est أولياء كذلك. Il n'y a aucun haq pour eux. Tu vois. Le but maintenant, c'est quoi là? C'est s'occuper du criminel. Ah mais toi, ton père a été tué, rien à faire de toi. Il n'y a rien qui te revient à toi. C'est juste entre l'État maintenant et le meurtrier. وَلَا تَرْحَمُ الْمُجْتَمَعِ Il n'y a pas de rahma pour la société. C'est-à-dire après, les gens, ils sont. Tout le monde à la porte devant lui pour tuer, il n'y a plus de représailles derrière. Il n'y a plus de représailles derrière. Donc ils disent, « Yahkumun ali bisijn, 500 sana, ou 400 sana, ou muddat al-haya, thumma ya'funa anhu, ou yukhlejouna. » Et ils jugent, ils font un procès. Certains ils disent, « Tu as droit à 500 ans de prison. » Il y a des pays, de fond, ils savent que tu vas mourir avant. Mais ils disent, « Toi, tu as 200 ans de prison, ce que tu as fait. » Je ne vois pas la feuille d'âme, parce que tu vas mourir avant, mais bon. Eux, comme ils disent, sinon à perpétuité, à vie. Ouais. À vie. Et ils disent, et t'en as des fois, après ils sont graciés, ils sortent quand même. Bonne conduite, ou je ne sais quoi, ou il a un bon billet, il a payé un bon avocat, hop, ils sortent. Ouais. En islam, on t'exécute. Ouais. On t'exécute après, à savoir que le qisas, le talion, le had, c'est une kafara pour ton crime. C'est une tawba. T'arrives au yawm al-qiyama, tu ne seras plus interrogé pour ce meurtre que tu as fait. La kafara, هذه عفوا الحدود إقامة الحدود تعتبر أن تكفيرا للجريمة. Donc nous il y a une rahma derrière, mais il y a rien du tout. Et voire même dans des prisons dans certains pays de Koufre, le prisonnier peut-être plus à l'aise que des gens dehors. Alors, il a tout, il a salle de sport, il est nourri, il est logé. Bon, sans compter ce qu'il peut subir comme chose là-bas, mais bon, il l'a cherché, tu vois. Ils ont même des fois des consoles vidéo, je crois, la télévision. Ils ont voilà les choses. Ça se trouve, il est mieux en prison qu'il était à l'extérieur. Maintenant, ils ont le portable qui rentre, ils ont même la drogue qui rentre, ils ont tout. Ils ont tout. Quel côté dissuasif il y a pour les autres? Il n'y a rien qui va le dissuader. Mais les gens sont là, non, c'est ça c'est, comme ils disent, le côté, le droit de vivre, le côté humain, et kaza et kaza. Le côté humain, lui, qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est humain ce qu'il a fait, il a tué une personne impunément. D'accord? Injustement. Et bien, si vous le tuez lui, vous verrez que par la suite, le côté humain va apparaître, moins de gens vont tuer. Parce que jouer avec la justice, tout le monde peut y arriver. Avoir un avocat de la défense, un gros khabis qui sait parler, au minimum, il va te réduire ta peine. Ou à kaza. Thuma yaqul. Al-Sayyib al-Zani. Le fornicateur. Sayyib. C'est quoi Sayyib? C'est celui qui a déjà connu ou qui est marié de façon légiférée. D'accord? Il est marié ou une femme également. C'est les deux, c'est pareil. Sayyib, c'est pour l'homme ou pour la femme. Soit il est marié actuellement, au moment où il a fait la fornication, ou il a été auparavant. Il a déjà connu une relation, quand même, Makboula Shalan. Et bien lui, si après ça il fait zina, il est exécuté. Il est exécuté. Homme ou femme. Homme ou femme. Quant au bikr, et là le sens du bikr, c'est pas comme beaucoup s'imaginent, le bikr, ce qu'ils appellent, par exemple, une femme bicre, ils appellent ça une femme vierge. Ou un bicre, un homme, ils appellent ça un puceau. Ça, c'est un sens. Et Shanahan, le bicre, celui qui n'a pas connu le mariage. Même s'il a fait zine auparavant, il n'a jamais été marié, on l'appelle bicre. Shanahan. On l'appelle bicre. Donc lui, il n'est pas exécuté, pas de peine de mort. Lui, il est flagellé. Et celui qui a connu le mariage, lui, il est lapidé à mort. Il est lapidé à mort. Et Cheikh Othaymin dit, قد يقول قائل كيف تقتلونه بيد الطليقة. Comment pouvez-vous le tuer de cette façon-là, aussi horrible, de le lapider? Il a dit, tout comme il a enfreint une chose qui est interdite en religion et qu'il a ressenti du plaisir dans tout son corps, et bien sa mort, il faut qu'il ressente de la douleur pour tout son corps. هذا هو العدل. D'accord. Ce qu'il a fait là, ça amène une chose qui, parmi les darurat et le khams, il a enfreint une chose qui va amener à quoi? À déstabiliser la généalogie. Et ce qu'il a fait là, a porté un plaisir dans tout son corps. Et bien quand on va le tuer, il faut qu'il ait mal dans tout son corps. وهكذا كذلك منع الزنا سامن بريزيرفي المجتمع المجتمع دو بلان دو مفا منها مثلا انتشار الامراض المالادي كي سون كوم يديز سيكسوالمون او ترانسميسيبل. Parmi les plus connus à cette époque, ce qu'ils appellent le sida, s'il existe vraiment, parce que des gens remettent en doute l'existence du sida. Comment il se transmet ce virus? Que par des moyens généraux haram. Soit par la zina, ou soit par les drogues. Par les seringues qui s'échangent entre eux. Voilà. Des gens ont été victimes, soi-disant, par, accidentellement, mais en général, les gens qui font ça, qui tombent dans le sida, c'est les gens qui ont fait du haram. Donc ils sont en train de chercher, faire des recherches, faire je ne sais quoi pour pouvoir mettre fin à ce virus. On dit, voilà ta karbouzina, comme encore la ta'ala. C'est tout. Voilà ta karbouzina. Ne vous approchez pas de la fornication. C'est même pas ne forniquez pas, ne vous approchez pas. Non, préservatif, ou kaza, réunion, colloque, je ne sais quoi, des concerts, des films, des quêtes, un tas de choses. On dit, tu veux arrêter que cette maladie se propage, arrête les causes qui la propagent. Et parmi elles, zina. C'est la plus grande cause. La plus grande cause. Et il n'y a pas que le sida, il y a d'autres maladies qui se transmettent sexuellement, qui font du mal aux gens. Ah ben, sans compter l'autre côté qu'on a parlé tout à l'heure, qui est le côté généalogique qui casse la descendance. Aujourd'hui, les gens ne savent même plus c'est qui ton grand-père. Il dit, je ne sais pas. Il s'appelle un tel, mais voilà. C'est qui ton grand-père? Je ne sais pas. Je ne connais pas sa descendance. Je ne sais pas d'où il vient. Tandis que c'est même pas leur père. Pour t'en as, ils pensent que c'est son père et ton père, ben c'est le voisin, mais tu n'es pas au courant. Malheureusement. Alors, c'est pas celui que tu crois, ton père. Voilà, Moustan. Et bien ça, min asbab yumna azina. Donc le fornicateur qui a été mursine, qui a connu le mariage, ou qui le connaît, il est lapidé à mort. Ah, ça choque les gens ou pas, c'est comme ça. C'est le hukm Allah. Après, il dit, At-tariku lidini, celui qui délaisse sa religion. Wa huwa al-murtad, l'apostat, comme on dit en religion. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man baddala dina, faqtulo. Ceux qui changent sa religion, alors tuez-le. Et le murtad, ça peut être, dans plusieurs sens, ça peut être celui qui te dit, moi je ne suis plus musulman, par exemple, il est devenu chrétien. Nasrani, ou Yahoudi, ou dimanche, voilà, ça roule l'islam, j'ai vu, j'ai essayé, voilà quoi. Il arrête. Lui, il reconnaît que je suis plus musulman, de lui-même. Ça, c'est un. Et t'en as d'autres, irtaddu an ad-din, lakin ma'at al-afoubi. Ils ont fait un naqid min naqid l'islam, ils se disent, je suis musulman, moi. Mais il est sorti de l'islam. Soit par insulte à la religion, moquerie envers la religion, ou du shirk akbar, ou, je ne sais, adat asbab, quand même, min naqid l'islam, mais dimanche, je suis musulman. On dit là, Shalan anta murtad andana, manta muslim. Mais lui, le jugement s'applique sur lui également. Faut pas croire que le murtad, celui qui dit je suis murtad, dit stop, j'en veux plus. Non. Toute personne qui est tombée dans un arc de murtad de l'islam, c'est un murtad. Même si c'est dit je suis muslim et je fais 10 000 salawat, kada kada, t'as fait un arc de l'islam, t'as pas fait tawba, ou qui mette le hujja alek, anta murtad, tuqtal. Tout ce tatab, avant de faire tawba, tu veux pas, t'exécuter. Summa qala, وقوله المفارق للجماعة, celui qui se sépare du groupe. Et là, ça peut être interprétable de deux façons. Ça peut être un atf bayen de murtad, se séparer de la jama'a des musulmans, il est plus avec eux, comme celui qui dit moi je suis plus musulman, je suis pas avec vous. Souvent, tu verras, ces gens-là, ce sont les plus acharnés à apparaître sur l'islam par la suite. Ils sortent de toutes les choubouhettes de l'islam. Regarde, dans le hadith, il dit ça, le verset dit ça, contradiction. Regarde, tel verset dit ça, et d'ailleurs, il dit ça, contradiction. Tu vois, il met des choubouhettes dans la tête des gens. Lui, faut le faire taire. Faut le faire taire. Tu verras pas un murtad dans l'islam qui, généralement, après, il reste tranquille dans son coin. Il va faire un travail. Parce que c'est un khabith. Donc là, le mufariqu li jama'a, ça peut être une précision de l'apostat. Et Cheikh Al-Fawzan dit également celui qui sort sur le hakim, le khawarij, ça c'est le hukam. Si c'est pareil du groupe de jama'a, il sortait contre le gouverneur, lui on le combat, on l'exécute. Il y a des hadiths qui sont venus dans le sens où le Nabi sallam quand le manazara al-hukm, fadribu 'unuka. Si quelqu'un il a le pouvoir, quelqu'un vient pour lui prendre son pouvoir, on l'exécute celui-là direct. Direct on l'exécute. On ne laisse pas agir. Mathalan. Donc ce hadith il est am. Mais il y a d'autres cas où on exécute des gens. Il y a d'autres cas où l'exécution peut être faite. D'accord ? Là, ce sont les cas généraux sur lesquels il y a ittifaq et ijma'. Il y a d'autres cas après particuliers. Et des fois, ça peut être une loi du gouverneur reconnue par l'islam, dans le sens où elle ne s'oppose pas à un jugement général, mais il y a une maslaha pour le mujtama, de façon générale, hein, que nous, on fait la peine de mort pour tel crime. Ça lui ouvre un lieu. Des fois, en prendre un exemple, ça dissuade beaucoup de gens. Et ça amène à une maslaha générale pour tout le monde. Amen. فهذا الذي أخذنا اليوم وانا بتعدي طوء أحاديث فسنكتفي بها هذا وسبحانك وبحمدك لا أنت استغفرك